Le voyage de la vie. Comment un couple se choisit pour faire des enfants, du point de vue de la biologie. Chez tous les êtres vivants, y compris les humains, il existe des mécanismes de sélection naturelle qui influencent les choix de partenaires. Sans même en être conscients, nous sommes attirés par certaines caractéristiques qui signalent la santé, la fertilité ou une bonne compatibilité génétique. Par exemple, l'odeur corporelle peut révéler des gènes compatibles au niveau immunitaire complexe, HLA. L'apparence physique peut suggérer une bonne santé ou une bonne capacité à porter des enfants hanches larges, mâchoires fortes, etc. La voix, le regard, la posture peuvent envoyer inconsciemment des signaux de force, de douceur ou de fiabilité. Du point de vue affectif et émotionnel, le choix d'un partenaire, surtout pour faire des enfants, repose souvent sur une connexion émotionnelle forte, le sentiment d'être en sécurité avec l'autre, le désir de construire quelque chose ensemble, une vision partagée de la vie, des valeurs et de l'avenir. Du point de vue psychologique, nous sommes souvent attirés par des personnes qui résonnent avec notre histoire personnelle. Parfois, on cherche inconsciemment un partenaire qui nous rappelle un parent dans le bon ou le mauvais sens. Parfois, on veut réparer une blessure passée à travers la relation. Ou au contraire, on cherche une personne qui incarne tout ce qu'on n'a pas eu dans notre enfance. La culture influence énormément le choix. L'environnement social, famille, amis, religion, pays, encourage ou décourage certains choix de partenaires. Dans certaines cultures, les mariages sont encore arrangés ou guidés. Le niveau d'éducation, la langue, les croyances, les revenus, tout cela pèse dans la balance. Et un petit grain de mystère. Même si on essaie d'expliquer tout ça scientifiquement, l'amour reste parfois inexplicable. On tombe amoureux d'une voix, d'un regard, d'une maladresse, en raison logique. Et ce coup de foudre peut être le début d'une longue aventure, et parfois d'un enfant à naître. Quand le couple est formé, vient un jour le désir d'enfant. Et là encore, le choix n'est pas que biologique. Il faut que les deux soient prêts, ou du moins qu'ils croient l'être, pour accueillir une vie, lui transmettre un peu d'eux-mêmes. Beaucoup d'amour, le début de la vie. Dans le corps d'un homme, plus précisément dans ses testicules, se cache une fabrique de vie. Pas une petite fabrique, non. Une immense usine, active jour et nuit, même quand le monsieur dort ou mange son dessert préféré. Cette usine, c'est ce qu'on appelle les tubes séminifères. C'est là, dans ces longs tuyaux enroulés comme de minuscules bobines, que naissent les spermatozoïdes, les petits voyageurs de la vie. Mais attention, ils ne naissent pas tout faits. Oh non. Ils commencent comme de toutes petites cellules souches appelées spermatogonies. Ces cellules sont comme des bébés ouvriers qui vont passer par plusieurs étapes de transformation. Voici les grandes étapes. Multiplication. Les spermatogonies se divisent, un peu comme une famille qui a plein d'enfants. Transformation. Certaines de ces cellules vont commencer à changer de forme. Elles deviennent des spermatocytes, puis des spermatides. Maturation. Finalement, ces spermatides deviennent des spermatozoïdes complets, avec une tête, une pièce intermédiaire pleine d'énergie et une longue queue pour nager. Ce processus complet dure environ 64 à 72 jours. Et chaque jour, des millions de nouveaux spermatozoïdes sont produits dans le corps d'un homme en santé. Mais voilà, une fois fabriqués, ces petits nageurs ne sont pas encore prêts à partir. Ils doivent encore faire un voyage de formation dans l'épididyme, un petit tube en forme de virgule collée derrière chaque testicule. Là, ils apprennent à nager correctement, comme à l'école de natation. Ils peuvent y rester plusieurs jours, voire quelques semaines, bien au frais, en attente d'un signal. La sortie du père. Le grand départ quand un homme est excité sexuellement et atteint l'orgasme, un grand signal est donné dans tout le corps. C'est l'heure. Les spermatozoïdes sont alors propulsés dans une autoroute nommée le canal déférent. Ce canal les amène jusqu'à une station de ravitaillement. Les vésicules séminales et la prostate qui ajoutent un liquide nourrissant et protecteur. C'est ce mélange de spermatozoïdes et de liquide qu'on appelle le sperme. Et là, boum! Pendant l'éjaculation, le sperme est expulsé par le pénis à une vitesse incroyable, environ 20 km par heure au départ. Pas mal pour des petits nageurs. Ils sont projetés vers un monde inconnu, souvent à l'intérieur du corps d'une femme, où commence pour eux le voyage vers l'ovule. Mais ça, c'est une autre histoire. Petit fait curieux pour finir. Le voyage du spermatozoïde et de l'ovule. Les spermatozoïdes, portrait des nageurs nombre. Une seule éjaculation contient environ 200 à 400 millions de spermatozoïdes. La taille, moins de 0,06 mm. Vitesse moyenne, environ 1,5 à 3 mm par minute. Vitesse maximale, jusqu'à 5 mm par minute, ce qui est minuscule, mais très rapide proportionnellement à leur taille. Objectif, trouver un ovule parmi des millions de concurrents. Le voyage du sperme dans le corps de la femme. Les spermes est déposé dans le vagin, près du col de l'utérus. L'environnement est acide. La plupart des spermatozoïdes meurent dans les premières minutes. Col de l'utérus. Pendant l'ovulation, la glaire cervicale devient plus fluide, ce qui facilite le passage des meilleurs spermatozoïdes. L'utérus, les spermatozoïdes nagent en direction des trompes de Fallope aidées par des contractions utérines. Les trompes de Fallope, l'ovule, libéré par l'ovaire attend environ 24 heures. Le premier spermatozoïde a pénétré, l'ovule gagne. Une fois entré, l'ovule se ferme aux autres. L'ovule, la star du spectacle. La taille, environ 0,12 mm, c'est l'une des plus grosses cellules du corps humain. La durée de vie, seulement 12 à 24 heures après l'ovulation. Une femme naît avec environ 1 à 2 millions d'ovules, mais n'en libérera qu'environ 400 à 500 dans sa vie. Juste avant l'entrée dans l'ovule, les spermatozoïdes traversent plusieurs couches protectrices. Ils libèrent des enzymes pour percer la membrane externe. Ils se déforment, se contractent et accélèrent légèrement dans un dernier effort. Le moment magique, la fécondation. Un spermatozoïde parmi des centaines de millions réussit à atteindre l'ovule. Il traverse courageusement les barrières, perce la membrane et entre. À cet instant précis, un événement unique se produit. Les 23 chromosomes du père s'unissent aux 23 chromosomes de la mère. Cela forme une cellule complète, une cellule œuf ou zygote, avec 46 chromosomes. Ton sexe, la couleur de tes yeux, la forme de ton nez, la couleur de tes cheveux, tout est déjà inscrit. 2. Le début, division, nidification. La cellule se divise en 2, puis 4, puis 8, 16. Elle devient un amas de cellules, appelé morula, puis blastocyste. Au bout de quelques jours, ce petit paquet de vie descend dans l'utérus. Il se fixe dans la paroi utérine, c'est la nidation. C'est là que tout commence à se construire. Pendant les 8 premières semaines, on parle d'un embryon. Les cellules se spécialisent. Certaines deviendront le cerveau, d'autres le cœur, les bras, les yeux. Vers la 4e semaine, le cœur commence à battre. À la 8e semaine, presque tous les organes sont formés. À partir de là, on l'appelle un fœtus. Croissance et préparation de la 9e semaine jusqu'à la naissance, le fœtus grandit, se muscle, bouge. Ses poumons se préparent à respirer. Ses oreilles entendent la voix de maman. Il avale du liquide amniotique, il sue son pouce, il rêve peut-être. Il dort souvent, se retourne parfois et commence à se préparer pour sortir. La naissance, sortie dans le monde, vers 37 à 41 semaines, le corps de la mère sent que le bébé est prêt. Le col de l'utérus s'ouvre, l'utérus se contracte, le travail commence. Le bébé descend, la tête en premier le plus souvent, et vient au monde. Il pousse un cri. Ses poumons se déploient. C'est le début de la respiration autonome, de la vie extérieure. Ce bébé, c'était toi, moi, chacun de nous. Le docteur Arnold Jezel était un pionnier de la psychologie du développement. Il a consacré sa vie à observer et documenter le développement des enfants, notamment durant la première année de vie, qu'il considérait comme fondamentale pour toute la suite du développement humain. J'ai appris dans ces livres comment suivre l'évolution de nos enfants. Le principe de base, la maturation Jezel croyait que le développement de l'enfant suit un programme biologique naturel, qu'il appelait la maturation. Autrement dit, chaque bébé se développe à son rythme, selon une horloge interne, mais dans un ordre prévisible. Il a résumé cette évolution à travers des étapes typiques, mais non rigides, où l'enfant développe sa motricité, sa perception, son langage, personnalité et ses émotions. 0 à 3 mois. L'éveil du monde, le bébé commence par dormir beaucoup jusqu'à 20 heures par jour. Il fixe du regard, réagit au son, pleure pour communiquer. Il commence à sourire socialement vers 6 à 8 semaines. Ses mouvements sont encore réflexes, peu coordonnés. Il reconnaît la voix de sa mère. 4 à 6 mois, la découverte du corps. Le bébé contrôle mieux sa tête, puis son torse. Il peut rouler sur le côté, puis sur le ventre. Il commence à attraper des objets, les mettre à la bouche. Il rit aux éclats, s'excite, interagit avec des gens. Il reconnaît les visages familiers et s'anime quand on l'approche. De 6 à 9 mois, l'exploration active. L'enfant peut s'asseoir seul, puis se déplacer, ramper, rouler, etc. Il manipule les objets, les frappe, les goûte. Il commence à comprendre des mots simples comme non. Il babille avec des sons variés, baba, dada, etc. Il distingue les étrangers. Anxiété de séparation possible. De 9 à 12 mois, le début de l'indépendance. Il peut se tenir debout avec appui, puis faire quelques pas. Il comprend des consignes simples. Il dit parfois un mot significatif, maman, papa. Il utilise ses doigts pour pointer, pincer, indiquer. Il montre des préférences, des émotions, de la frustration. Gesell insistait sur l'observation patiente et respectueuse. Il a été un des premiers à utiliser des films et des miroirs sans teint pour observer discrètement les enfants. Il croyait qu'il ne faut ni presser, ni freiner le développement. Il affirmait que chaque enfant a son propre rythme, qu'il faut accompagner plutôt que diriger. Ses livres les plus connus, Le développement de l'enfant, le bébé de 1 an. Selon Gesell, la première année est une merveille de croissance naturelle, où chaque geste, chaque sourire, chaque mouvement suit un fil invisible, mais solide. Il nous enseigne à respecter le rythme propre à chaque enfant, sans le brusquer ni le comparer. Le docteur Arnold Gesell considérait la deuxième année de vie de 12 à 24 mois comme une période explosive de développement. L'enfant passe du statut de bébé à celui de petit être volontaire, actif, curieux et émotionnel. C'est le début de la construction du moi. Un cerveau en feu d'artifice. Le cerveau se développe à un rythme fulgurant. L'enfant commence à relier les choses entre elles, à expérimenter, à se souvenir, à imiter. Il passe de l'action instinctive à une pensée plus intentionnelle. Vers 12 à 18 mois, il marche seul parfois de façon maladroite. Il veut grimper, explore, pousse et tire. Il essaie d'enfiler ses vêtements, souvent à l'envers. Il mange avec les doigts, puis avec une cuillère. Il commence à vouloir faire tout seul. Vers 18 à 24 mois, il court, grimpe, tourne sur lui-même. Il essaie de sauter, même sans décoller du sol. Il peut empiler des blocs, ouvrir des tiroirs, visser, dévisser. Il commence à contrôler ses sphincters, début du pot. Le langage explose vers 15 à 18 mois. 10 à 20 mots compréhensibles. Vers 24 mois, vocabulaire de 200 à 300 mots. Il peut combiner deux mots, dire « maman partie » ou « veut lait » et « non dodo ». Il comprend beaucoup plus qu'il ne peut dire. Gesell insistait, le langage suit la maturation, inutile de forcer. La naissance du non, l'enfant découvre son individualité. Il dit non, non pas pour s'opposer, mais pour exister. C'est l'émergence du moi, de la volonté et du choix. Crise, pleurs, opposition sont normales. C'est aussi le début de l'éducation émotionnelle. Il commence le jeu symbolique. Un cube devient une voiture. Il imite les adultes, balaye, téléphone, nourrit sa poupée. Il résout de petits problèmes pratiques. Il aime la répétition. C'est sa façon d'apprendre. Il reconnaît les gens familiers. Il veut être indépendant, mais a encore besoin de sécurité. Il commence à jouer à côté des autres jeux parallèles. Les séparations peuvent provoquer de l'anxiété. La deuxième année, c'est l'âge du non-créatif, de la volonté en formation, du cerveau en éveil et du corps en mouvement. Gesell encourage les parents à ne pas paniquer devant les tempêtes émotionnelles, à offrir des repères stables et à laisser l'enfant découvrir qui il est à son propre rythme. Troisième année, 2 à 3 ans. L'enfant commence à former des phrases de 3 à 4 mots. Il pose des questions simples. C'est quoi? Pourquoi? Il commence à différencier passé, présent et futur de façon floue. Il court mieux, grimpe, saute à 2 pieds. Il commence à enfiler ses vêtements seul. Il devient plus habile avec ses mains. Tourne des poignets, empile, découpe avec aide. Il fait des crises de colère fréquentes liées à la frustration. Il affirme fortement son autonomie. Moi tout seul. Il commence à reconnaître ses émotions, mais a du mal à les réguler. Le jeu symbolique devient riche, jeu de rôle, scénario imaginaire. Il imite les adultes dans leurs gestes et routines. Il commence à jouer avec d'autres enfants, mais les conflits sont fréquents. C'est l'année des pourquoi, de la conquête de l'autonomie et de l'imagination en pleine éclosion. L'enfant explore son monde, s'y projette, s'en amuse et teste sans relâche ses limites et ceux de ses parents. Quatrième année, 3 à 4 ans. Le langage devient très fluide. L'enfant peut raconter des histoires simples. Il pose de nombreuses questions logiques. Il commence à comprendre la règle, la cause, la conséquence. Il saute à un pied, pédale un tricycle, lance et attrape mieux. Il peut manipuler des petits objets avec précision. Il commence à dessiner des formes reconnaissables ronds, bonhomme, soleil. Il aime jouer en groupe, commence à faire des alliances. Il comprend mieux le partage, mais a encore du mal à céder. Les jeux de rôle deviennent très élaborés. Il a des peurs imaginaires fréquentes, monstres ombres. Il raconte des histoires parfois inventées. Il distingue de mieux en mieux le réel et l'imaginaire. C'est l'âge de l'imaginaire débordant, du langage qui s'épanouit et des amitiés naissantes. L'enfant commence à se sentir membre d'un groupe. Cinquième année, 4 à 5 ans. Il peut anticiper des conséquences simples. Il comprend les règles des jeux et peut les suivre. Il commence à raisonner avec logique, mais reste centré sur lui-même. Le vocabulaire s'enrichit énormément. Il utilise des phrases complexes. Il adore raconter ce qu'il a vu, vécu ou inventé. Il comprend la coopération. Il aime organiser des jeux, décider des règles. Il développe des amitiés stables, mais a encore besoin de l'adulte pour gérer les conflits. Dessins plus structurés, intentionnels. Il adore bricoler, construire, créer. Il joue de longs moments seul ou en petits groupes. Un âge d'équilibre entre imagination, autonomie et début de réflexion structurée. L'enfant veut comprendre, construire et appartenir. Sixième année, 5 à 6 ans. C'est souvent vers cet âge qu'on garde ses premiers souvenirs clairs. L'enfant souvient de séquences, de lieux, d'émotions vécues. Il commence à se raconter lui-même comme une petite histoire. Il apprend à suivre des consignes complexes. Il distingue lettres, chiffres, sons. Il développe l'attention soutenue pour des tâches structurées. Il se compare aux autres, veut plaire, être valorisé. Il commence à ressentir la honte, la fierté, l'embarras. Il peut expliquer ses émotions avec des mots. Il distingue clairement le réel du fictif. Il peut inventer des histoires riches, mais sait qu'elles sont inventées. Il comprend le temps, les jours, la routine. La sixième année marque l'entrée dans une pensée plus structurée, tournée vers le monde extérieur. C'est aussi l'âge où la mémoire s'ancre et où l'enfant devient pleinement lui-même dans ses souvenirs. Septième année, 6 à 7 ans. Début de la pensée logique et du raisonnement concret. Capacité d'attention plus soutenue. Apprendre la lecture, l'écriture, les bases des mathématiques. Besoin de structure, de règles claires. Souci d'être juste, respecte mieux l'autorité. Commence à avoir des amis plus stables et des jeux de coopération. Sensible à la critique, recherche l'approbation des adultes. Peut se montrer rigide ou anxieux face au changement. Aime bien faire, s'applique dans les tâches. Huitième année, 7 à 8 ans. Pensée plus structurée, intérêt pour les règles, le fonctionnement des choses. Aime apprendre, pose des questions précises. Début de la logique mathématique et des comparaisons abstraites. Les amitiés deviennent très importantes. Les jeux sont organisés, parfois compétitifs. Début de l'identification à un groupe, fierté d'appartenance. Il est capable d'exprimer ses émotions avec plus de nuances. Il peut ruminer ou s'inquiéter de manière plus soutenue. Souhaite être autonome. Neuvième année, 8 à 9 ans. Pensée logique bien en place. Peut planifier, résoudre des problèmes à plusieurs étapes. Aime les défis intellectuels, les règles complexes, les collections. Les relations de camaraderie sont plus profondes. Comprend mieux la perspective des autres. Peut vivre des conflits entre amis et apprendre à les gérer. Début de conscience critique de soi. Début de l'introspection, préoccupation morale. Aime être reconnu pour ses efforts et ses qualités. Dixième année, 9 à 10 ans. La maturité intellectuelle, capacité à généraliser, à faire des hypothèses. Commence à avoir un jugement personnel sur le monde et la société. Lecture fluide, écriture structurée. Résolution de problèmes abstraits. Le groupe de pairs devient central. Respect de règles sociales et sentiment d'injustice plus développé. Recherche d'autonomie vis-à-vis des adultes. C'est l'affirmation de soi. début de la construction de valeurs personnelles. Capacité à argumenter ses idées. Goût de l'effort, besoin de projet, 11e année, 10 à 11 ans. Développement de la pensée abstraite naissante. Capacité de comparaison plus fine, début du raisonnement hypothético-déductif. Goût pour les jeux de stratégie, les casse-têtes, les projets scientifiques. Plus grande conscience de soi, de ses émotions et de celles des autres. Doute sensibilité, besoin de sécurité affective. Début de l'ambivalence émotionnelle, joie et tristesse en alternance. Groupe d'amis très important, influence du regard des pairs. Début de séparation psychologique avec les parents. Apparition des premiers jugements sur les adultes. 12e année, 11 à 12 ans. Cognition et autonomie. Pensée abstraite en plein essor. Intérêt pour la justice, les valeurs. Goût de l'argumentation, début du débat. Capacité à planifier, à faire des choix réfléchis. Remise en question de l'autorité. Recherche d'authenticité. Impression d'être incompris ou unique. Début de questionnement existentiel et philosophique. Début de la puberté, surtout chez les filles. Changements physiques perçus parfois avec gêne ou fierté. Nouveau besoin d'intimité. 13e année, 12 à 13 ans. Raisonnement et opinion. Capacité à défendre ses idées, construire des opinions nuancées. Attrait pour les causes, les groupes engagés, les idées fortes. Esprit de critique en plein développement. Identité personnelle, construction d'une image de soi plus cohérente, mais fragile. Questionnement sur la sexualité, l'avenir, la place dans le monde. Tendance à se comparer, besoin d'appartenir à un groupe. Haute d'humeur fréquente. Besoin d'expression artistique, musicale ou corporelle. Il est à la recherche de sensations fortes. 14e année, 13 à 14 ans. La maturité intellectuelle, capacité de réflexion sur des notions abstraites et complexes. Jugement plus autonome, indépendance de pensée. Vision critique de la société, de l'école, des parents. Dialogue plus élaboré avec des adultes choisis. Recherche de mentors ou d'exemples inspirants. Peut alterner entre mutisme et grande confidence. Le groupe de pairs est dominant, il a besoin d'acceptation. Expérimentation de rôles sociaux, parfois provocation. Affirmation de son style, ses goûts, l'adolescence et les relations amoureuses. L'adolescence, selon le docteur Arnold Jezel et ses successeurs, est une période de transformation intense entre l'enfance et l'âge adulte. Elle est marquée par des bouleversements physiques, cognitifs, émotionnels et sociaux. C'est aussi le moment où les jeunes vivent leurs premières attirances et leurs premières expériences sentimentales et sexuelles. Entre 13 et 14 ans, l'adolescent traverse une période de bouleversement. Selon Arnold Jezel, il entre dans un âge de contraste. Il peut être instable, tantôt rebelle, tantôt renfermé. Il cherche à s'éloigner de l'autorité parentale tout en ayant encore besoin de sécurité. C'est un âge marqué par des changements physiques liés à la puberté, des émotions intenses et changeantes, une recherche d'identité personnelle, des conflits possibles avec les figures d'autorité. L'adolescent de 13 ans commence à vouloir décider par lui-même, mais il n'est pas encore sûr de ses choix. Entre 14 et 15 ans, l'adolescent commence à s'ouvrir davantage. Il conserve une certaine instabilité émotionnelle, mais il cherche des repères stables. Il commence à mieux comprendre les règles sociales, les valeurs morales et peut développer un esprit critique. C'est un âge caractérisé par un désir plus marqué d'indépendance, l'importance croissante des amis et du groupe social, une amélioration de la capacité à raisonner et argumenter, un besoin de se sentir accepté et compris. Il devient parfois plus coopératif mais reste sensible à la critique. À 15 à 16 ans, l'adolescent gagne en maturité. Il devient capable d'une pensée plus abstraite, d'une meilleure gestion de ses émotions et commence à planifier son avenir. C'est une période où il peut alterner entre confiance et doute profond. Il a une meilleure conscience de soi. Deux opinions qui sont plus affirmées. Une autonomie accrue dans les décisions personnelles. Un début de projet personnel, travail, études, etc. Il peut aussi ressentir de la pression liée à l'avenir et à ses performances scolaires ou sociales. Entre 16 et 17 ans, l'adolescent se rapproche du jeune adulte. Il réfléchit à ses projets de vie, son identité professionnelle ou affective. Il devient plus stable émotionnellement, plus réfléchi, mais peut encore avoir des épisodes d'insécurité. points clés, une vision plus claire de ses valeurs personnelles, un désir d'engagement et de responsabilité, une meilleure capacité à faire des compromis, une envie de contribuer à la société ou de se rendre utile. C'est souvent une période plus paisible intérieurement, bien qu'exigeante sur le plan des choix. Maturation du cerveau, développement du cortex préfrontal, jugement, décision et du système limbique, émotion. Capacité croissante à raisonner, à s'introspecter et à envisager l'avenir. Volonté de s'affirmer, de se différencier des parents, de construire une identité propre. Puberté, éveil sexuel, changements physiques. Croissance rapide, pilosité, menstruation, voix qui mue, développement corporel. Découverte du corps, exploration, gêne, fierté, besoin d'intimité. Éveil du désir sexuel, fantasme, attirance, masturbation, première relation. Apparition de premiers émois amoureux, admiration, idéalisation, jalousie. Début de la séduction. Langage corporel, regard, tentative de rapprochement. Premières couples adolescents, souvent intenses mais instables. L'importance du regard des pairs, la validation, la comparaison et la pression sociale. Exploration de l'identité sexuelle, hétérosexualité, homosexualité, bisexualité, questionnement. Influence du groupe et des modèles. Les amis deviennent une référence centrale, notamment pour les choix amoureux. L'adolescent inspire de ses modèles familiaux, mais aussi des médias, de la musique et des réseaux sociaux. Il peut chercher à reproduire ou à rejeter ce qu'il observe chez les adultes. Accompagner les adolescents. Offrir un cadre sécurisant et respectueux. Encourager le dialogue ouvert et sans jugement. Parler de sexualité de manière honnête, progressive et adaptée. Valoriser le respect de soi et de l'autre, le consentement, la responsabilité affective. Vers 18-25 ans, les relations deviennent plus stables, fondées sur des valeurs partagées. Expérimentation de la vie en couple, engagement, cohabitation. Les premiers projets communs. Études, travail, parfois enfants. Devenir parent avant 30 ans implique une grande adaptation. Sommeil, finances, responsabilité. Le couple est mis à l'épreuve, mais peut aussi se solidifier. L'adolescence est le théâtre des premières expériences amoureuses. De la découverte du désir aux engagements plus durables, les relations évoluent, mûrissent et fondent l'adulte en devenir. Être bien entouré, écouter, respecter et accompagner reste la meilleure base pour aimer sainement. La vie entre 30 à 40 ans. Identité adulte affirmée. Stabilisation professionnelle, affirmation des compétences. Souvent le moment d'investissement important. Carrière, maison, famille. Recherche d'équilibre entre aspiration personnelle et responsabilité. Une consolidation ou un réajustement du couple. Naissance ou éducation des jeunes enfants. Des crises possibles liées au choix de vie ou à la routine au quotidien. Responsabilités accrues dans le travail. Vie sociale parfois réduite par la vie familiale. Début de la fatigue liée à l'accumulation. La vie entre 40 à 50 ans. Remise en question possible, carrière, couple, rêve oublié. L'envie de changement ou de renouveau. La conscience plus claire du temps qui passe. Adolescence des enfants, conflit générationnel. Redéfinition du couple parental et conjugal. Soutien aux parents vieillissants. Repositionnement identitaire. À recherche de sens, de bien-être durable. La vie entre 50 à 60 ans. Très souvent plus grande acceptation de soi. Moins d'ambition extérieure, plus de profondeur intérieure. Voilà les transformations du corps. La ménopause chez la femme et l'andropause chez l'homme. Une préoccupation croissante pour la santé. Une instabilisation ou un changement de carrière. Préparation à la retraite. Une envie de ralentir ou de se réinventer. La vie entre 70 à 80 ans, la vieillesse active. Poursuite d'activités sociales, culturelles, bénévoles. Présence auprès des générations suivantes. Équilibre entre limitations physiques et sagesse émotionnelle. Maladies chroniques possibles. Adaptation du mode de vie. Appui accru sur les services de santé ou la famille. Du temps pour soi. Temps de lecture, de souvenirs, d'écriture parfois, comme dans mon cas. Réflexion sur l'héritage laissé. La vie entre 80 à 100 ans. Le grand âge. Ralentissement important du rythme de vie. Dépendance progressive. Besoin d'aide au quotidien. Moment de lucidité et de plaisir préservé. Présence forte dans la mémoire familiale. témoignage du passé des époques traversées. L'important symbolique et affective dans la famille. Acceptation de la finitude. Développement de la spiritualité, l'apaisement. Une riche vie intérieure malgré le silence du corps grandissante. Apprivoiser la mort. Une réflexion à cœur ouvert. La mort, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une punition. C'est la dernière étape d'un grand voyage, celle que l'on sait inévitable, mais qu'on préfère souvent oublier. Quand on est jeune, on pense qu'on est éternel. Quand on vieillit, on réalise que le temps est un compagnon discret, mais fidèle, qui marche toujours à côté de nous. Et un jour, il s'arrête. Il pose la main sur notre épaule et dit « Viens, c'est le temps ». Mais comment apprivoiser ce moment? En regardant la mort en face, sans trembler. Ce n'est pas la mort qui fait peur, c'est l'idée de perdre ce qu'on a accumulé, notre maison, notre corps, nos repères, nos enfants, notre routine. Mais en vérité, rien ne nous a jamais appartenu. C'est l'idée de ne plus voir notre descendance vivre leur vie. Nous sommes venus nus, et nous repartirons nus. Ce que nous laisserons derrière, c'est ce que nous avons donné. Nos gestes, notre amour, notre bonté, notre mémoire. En cultivant une spiritualité, même tardive. La spiritualité, ce n'est pas forcément une religion. C'est l'art de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Ce peut être la nature, le silence, la musique, la bonté ou Dieu. Ceux qui ont pris le temps de développer leur âme, pas leur portefeuille, arrivent à la fin plus riches que jamais. Ils ont des souvenirs doux, des pardons donnés, des visages aimés, des regards pleins de lumière. Et ceux qui n'ont fait que courir après l'argent, à ceux-là, ils arrivent à la fin comme à un banquet sans appétit. Ils ont tout possédé, sauf ce qui ne s'achète pas. Ils se retrouvent parfois perdus, car tout ce qu'ils croyaient éternel, les comptes bancaires, les titres, les maisons n'a aucun poids au seuil de la mort. Il ne leur reste que quelques secondes pour essayer de comprendre ce qu'ils n'ont jamais voulu regarder. Ah, et il n'est jamais trop tard. Même dans les derniers jours, on peut encore ouvrir son cœur. Dire je t'aime, demander pardon, toucher la main d'un enfant, regarder un arbre, remercier la vie. Et ça, ça sauve une âme. Apprivoiser la mort, c'est vivre mieux, c'est de se sentir en vie, en fait. Ceux qui font la paix avec la mort n'ont pas peur de la vie. Ils vivent chaque jour avec gratitude, sans attendre d'avoir un cancer ou 90 ans, pour s'émerveiller du chant d'un oiseau. Conclusion en forme de confidence. J'ai appris que la mort n'est pas la fin. C'est une transition. Comme le bébé qui quitte le ventre de sa mère sans savoir ce qu'il attend, nous quittons ce monde sans tout comprendre. Mais peut-être pour naître ailleurs. Comme on ne sait pas d'où l'on vient, pourquoi saurait-on où on s'en va? On entend souvent, on ne vit qu'une fois, c'est faux, on ne meurt qu'une fois. Nous vivons à tous les jours. Il y a eu le voyage de la vie, maintenant commence un autre voyage vers l'inconnu. Conclusion. Le mystère de la vie. Après tous ces chemins parcourus avec Gézel, toutes ces réflexions sur l'histoire de la vie, on pourrait croire qu'il y aurait une réponse simple. Mais non. La vie humaine, comme toute vie, reste une boucle infinie, un mystère qui se mord la queue. On dit souvent, qu'est-ce qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? Moi, je vous réponds, le spermatozoïde, il vient d'où? Il vient de l'homme. Et l'homme, il vient d'où? Il vient de la femme. Et la femme, elle vient d'où? De l'union d'un autre spermatozoïde et d'un ovule qui eux aussi viennent d'un homme et d'une femme. Et voilà que nous retombons dans la boucle. Ce n'est donc pas tant une question de premier ou de dernier, mais une histoire de continuité. Une longue chaîne de vie qui se transmette de génération en génération, sans véritable point de départ clair. Comme un ruban de Möbius, on peut tourner, tourner, et on est toujours sur la même surface, sans début ni fin. Et c'est peut-être ça, le véritable enseignement de Gézel et de toute cette histoire de la vie. Nous ne sommes qu'un maillon dans une chaîne qui n'a pas commencé avec nous, et qui ne finira pas avec nous. Un maillon vivant, conscient, capable de poser la question, et de sourire devant le mystère, en n'y comprenant absolument rien. C'est ça la vie, très belle pour certains et malheureuse pour d'autres. La mienne est très belle et aimée.